J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. As-tu vu que le retrait garde la tête haute, mais accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. Va viser la lune dans un brouillard d'amertume refrain. Faut percer la brume si tu veux voir tes regrets coffrés. Je la ramène pas trop, le jour du jugement arrive. Le passé était frais quand tu feuillettes l'album photo de près. Dans nos âmes en paix, mosquée, synagogue ou église. Viens pas te lamenter si t'as dansé avec Iblis. On pèse des poulets, une cuisse dans une assiette pour 10. J'en place une pour dire que j'ai une pensée pour 10. Pendant que butine à verre, toi se bousille la veine. Mon cerveau mange des coups pour les soucis de la veine. On se dédouble, on sait tous la peur de nos adversaires. Pas certain d'atteindre le prochain anniversaire. Avant qu'on découpe, qu'on découvre dans un arbre. Qu'on te couvre d'un drap blanc comme les arbres. Réfléchis à tes actes. Tout ça deux doigts de vriller, on vieillit. J'ai que tout ça, je vais le payer. J'ai déjà le mal du pays. Pourtant, j'suis toujours pas parti, mais je me sens pas de leur patrie. Leur quatrième a pas pris, c'est le batterie. J'ai grandi parmi les mecs en stress, perds du poids, stream. J'ai plus de saveur, regret dans le cœur et la rage dans la poitrine. Ouais, gros, j'suis inconsolable. Les repartis trop tôt sont morts au charbon comme au temps de Zola. Les preuves sont là, t'as vu les deux traits. Fois 10 en refrain, mais en vrai, t'accumules les regrets. Ma génération fume la Woodlaya. Rien à foutre de Will.i.am. J'suis né ici, c'est vrai, mais si demain j'pars enterrer moi dans ma Wilaya. Ouais, des fois le gouffre m'appelle. J'suis perdu entre le doute, la peine. Plein de regrets, la fume, calme ma fougue, ma pêche. Bel et bien conscient qu'on a tout à faire. Merde en bas, ça frôle l'anarchie. J'te parle de la galère, pas juste la vie d'un artiste. Toute la ville est sur les nerfs, et surtout quand y'a pas de chute. Écoute nos phrases et prends-les comme les cris d'un martyr. Et j'vois des kids débiles qui pissent, des piles, des kills. Qui tissent des litres et qui fait le fils des clean. Les tips déguisent d'office, mes fils des qui. J'préfère être un larpin qu'un kiss des clean. Bientôt l'heure de mon départ, pas besoin de dépanner. Grand écart, ouvre les yeux et voir que ce monde est malade. Même quand j'tape des barres, cette vie est barre dans la débâcle. Les regrets pas qu'à chaque seconde mes balades. En gros c'est comme les soucis. Quand certains c'est pas su, c'est déjà que d'autres se regrettent. J'suis comme toi, refait. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. Comme toi. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. As-tu vu que le refrain garde la tête haute, mais accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. J'accumule les regrets. Garde la tête haute, mais accumule les regrets.